jeudi à Assemblage Rocky. Pour la première fois, c'est fou, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault vident la question des Olympiques dans leur capsule humoristique Fidon la don la question. Et Stéphanie Gagné nous sert ses coups de cœur artistiques et culturels dans sa chronique Ton plat favori. Tout ça accompagné d'une salade de votre choix à Assemblage Rocky, jeudi 15h.